Des. 1. Des fraises. 2. Des pêches. 3. Du raisin. 4. Du jus d'orange. 5. Du vin rosé. 6. De la Macédoine.